Ça, c'est sale. Je t'ai coupé, là. Ah, la blague. C'est pas grave, on pourra le dire en antenne après. Hein. Parce que pour l'instant, c'est Pyongyang City Rockers qui commence, numéro 324. Voilà. Ok. Avec le grand retour de Gaël et Val qui ont réussi à braver les blocages de Sarcier sur l'autoroute entre la France et la Belgique. On les a contournés, t'as vu. Le foie en feu, tout ça, les fourches et tout, on a tout. C'est bien, mais il faut aller aussi leur filer un coup de main. Enfin, si c'est des gens trop proches de la FNSEA, non. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Il paraît qu'ils ont dépassé le syndicat majoritaire. Ils sont dépassés. Ils avaient décrété que c'était la fin du mouvement, puis les bousés disent mais non. Voilà. Youpi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, pour les gens qui ne prennent pas l'antenne maintenant, mais qui ont pris antenne juste avant, ils ont pu entendre la fin de l'émission lors de le mettre, avec Saïd Bouhamma et Sam qui parlaient de ce qui se passe actuellement en Palestine, à Gaza. Excellente émission. Je ne peux que la recommander aux gens qui peuvent la retrouver en replay sur le site de Radio Campus, campuslille.com, pendant 8 semaines. C'est ça. Ouais, voilà. On y apprend des foules de choses qui ne sont pas assez dites dans les autres radios, qui sont pas aussi bien renseignées que nous. Alors les renseignements ce soir, il va aussi en avoir, mais plus autour de la ZIC. T'as ramené des trucs importants ou quoi? Enfin intéressants. J'ai ramené des trucs nouveaux. Intéressant, non. Intéressant, oui. Intéressant. Aucun morceau intéressant, mais j'ai ramené des morceaux. Moi j'ai un truc qui va vous intéresser aussi, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, encore un petit titre de Brigitte Bop que j'ai présenté il y a quelques semaines. C'est sur leur album qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ça y est, je sais même plus comment il s'appelle. Bebop à Bangkok pour Brigitte Bop. Les voici avec Jamais vraiment vaincu. Bah oui, on est toujours un petit peu là. Même si des fois c'est difficile. Brigitte Bop. C'est pas les 24 heures du Mans. Reviens en arrière. Ouais, en plus, ça, c'était pas Depardieu qui parlait. Vraiment, ils choisissent, hein, ils choisissent leurs intercalaires. Les mecs, hein, c'est vraiment des punks français. Ah, non, ça. Mais on les aime bien, c'est Brigitte Bop. Moi, je les ai vus, j'étais encore adolescent, je crois. Ouais, tu es toujours adolescent. Mais oui, mais oui. Mais alors, si... tu n'es jamais vraiment vaincu, toi non plus. Non. Bon, alors, voilà. Il y a un nouvel album de 14 titres qui vient de sortir. Ça risque de beaucoup tourner chez nous quand ça sortira en 12 pouces chez Destructure Records. Cet album s'appellera Direction Nowhere. Il comportera 14 titres de punk rock qu'on peut qualifier de mélancoliques. Ça vient de Lille, ça s'appelle Short Days. Alors on y retrouve dans cet album une version réenregistrée d'un morceau qu'on retrouvait sur la compilation On marche encore sous la pluie, sorti en 2021 en soutien au Clash. Le morceau, c'est Children of Boredom. pas le groupe de métal. Hein. Et puis en dernière piste, j'ai lu Endless Winter. Je me suis dit, tiens, une deuxième version. Ah bah non. En déroulant les paroles, on se rend compte qu'en fait, le morceau s'appelle Endless Summer. Donc sûrement une suite à ce Endless Winter. Mmh. Un morceau qu'on pourrait retrouver sur le premier album de Short Days. Ou un 45 tours. Je sais plus. Non, pas sur l'album, je crois. Je sais plus. Alors, je peux que vous inciter à poser une oreille dessus si vous ne connaissez pas le groupe. Moi, il ne m'a jamais déçu et ce ne sera pas encore pour cette fois-ci. La pochette est signée Barreto, donc forcément très jolie. Et on écoute donc un nouveau morceau qui s'appelle Freaks, extrait donc de ce nouvel album. Short Days dans Pyongyang City Rockers, la voix de la Corée du Nord. C'est pas Oi, c'est Short Days. Short Days sur le 106,6. Short Days old school, ouais, c'est vrai. Ouais. T'as raison. Ouais, je trouve que c'est un morceau qui dénote un peu de tout le reste de l'album. Mm. Il me fait penser au Short Days du début. Alors, tu nous passes un truc qui représente même pas. J'ai passé le morceau qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus plu. C'est normal, non? Ouais. Je vais pas passer un morceau qui m'a moins marqué que les autres. T'es un nostalgique du son de Short Days d'antan? Oui. Short Days d'antan. Bon, ben voilà. Nostalgique aussi, peut-être, ceux qui ont écouté ou n'ont pas réussi à écouter Radio Campus vendredi qui vient de passer de 21h à minuit. Il y avait deux lives de Marteau et Cheswick du Power Violence. Marteau ont joué 18 minutes 30 et Cheswick ont joué 15 minutes 30. On a quand même réussi à faire tenir tout ça dans 3 heures de musique et de baratin. Il y a eu une interview aussi, puis beaucoup de zik et tout ça. Et des gens qui buvaient. Il y avait facilement 35 personnes. Il y en a qui sont restés en permanence dehors. Ouais, c'était carrément complet. Hein. Et puis, on s'est bien amusé. Hein. Et puis, même que c'était pas dégueulasse comme quoi, après, il y en a qui vont dire les punks, vous foutez le bras. Pas du tout. Le lendemain, je suis arrivé à 10h du matin, j'ai passé un petit coup de balai et à peine un coup de doigt, même ça arrive. Pas une odeur, rien que dalle. Si, ça sentait. Il y avait un petit truc, ouais, comme dans l'air, comme ça, mais bon, qui s'était un peu dissipé déjà. Donc, pour dire, hein, voilà, respectueux, magnifique et Power Violence. C'était ça. Et donc, pour fêter, pour rappeler ce bon moment à ceux qui l'ont écouté ou pas, voici deux titres, un de Marteau, Mescal Fever. Et le deuxième de Cheswick que j'ai pas noté, donc je vais l'appeler Désolé Maman. vous saurez pourquoi, parce qu'il parle aussi. Hein. Voilà, c'est Marteau et Cheswick. Boum. Ça va, quoi? Il y a le patron qui dit des trucs derrière la vitre, mais. Bon, on comprend pas. Est-ce qu'on s'en fout de ce qu'il raconte? Oui. Complètement. Allez, la prochaine s'appelle Mescal Fever. Elle parle de boire des tequila comme on a fait hier toute la soirée. Avant la répète et après la et répète. Après la répète. Et après être mal. No! Merci, on est super content de passer sur Nostalgie. Je voudrais faire une dédicace à ma mère qui m'écoute ce soir. Désolé maman. Merci, la prochaine s'appelle Philippe, elle est dédicacée à tous les Philippe. Philippe, je sais que tu m'écoutes. Ouais, merci non. Philippe. J'écouterai Philippe sur le podcast. Ouais, et donc tous les titres de Cheswick et Marteau qu'on a enregistrés là vendredi seront bientôt disponibles sur les podcasts de Pyongyang Steel Rockers. Mais tranquille, j'ai même pas encore publié ceux de Mal aux yeux qui datent de novembre. Oh, bravo. D'ailleurs, j'en suis fort contrit et je présente toutes mes excuses aux copains de Mal aux yeux. Je vous jure, ça va être fait. Tout va être balancé ensemble, vous aurez du bon sang. Comme on dit dans les émissions du jeudi soir. Voilà. Là, vous écoutez Pyongyang Steel Rockers et on est mercredi soir, c'est pas la même chose. Nous, on est sérieux. Hein? Oui. On voudrait pas vous frustrer. Ah ouais, un morceau que j'avais pris pour la semaine dernière, donc il s'écrit aujourd'hui le groupe parisien, mais c'est la semaine dernière, le groupe parisien Frufru Frustration a sorti un nouveau son annonçant la sortie prochaine d'un nouvel album qui s'appellera Our Decisions, et qui sera disponible en mars via Born Bad Records. Ah oui, Born Bad. Alors, Frufru, ça s'est formé en 2002. Ça a sorti son premier Scud il y a 20 ans, un EP 4 titres. Depuis, c'est 5 albums, une dizaine de singles et EP. Sur scène, c'est béton de ouf. À chaque fois que je les ai vus, grosse queue cla, quoi. Donc, si vous avez l'occasion de les voir encore pendant... la dernière fois à Covid, c'était bien. Les tournées promo à venir, eh ben, n'hésitez pas à y aller. En attendant, je vous propose d'écouter le dernier son en date, frais donc de la semaine dernière, State of Alert qu'il s'appelle. C'est Frustration dans ton PPCR 106,6. Morceau assez court de frustration. Oui, bah ouais, nous avait habitué ces derniers temps à des morceaux de 3 à 4 minutes. Là, c'est quoi? C'est 2 minutes 10, 2 minutes 15 20. À la punk. À la punk. À la punk aussi, quoique. Hools, W-H-O-L-E-S, comme ça, si je prononce Wallace, mal. Wallace. Hools disent jouer de la musique d'exorcisme, le moins que je puisse dire, c'est que c'est bien lourd. Lourd et puissant, comme on dit en Belgique. Je vais pas te louper après, tu vas voir. En tout cas, ils viennent de Gand. Kent. Il y a dedans des anciens de Elephant et de Pink Room, et puis d'autres groupes aussi, mais c'est les deux groupes que j'avais déjà entendus. Puis je pense même déjà passer ici. Pink Room, ouais. Elephant aussi, je pense. Ouais, bon, bah voilà. Sinon, je me suis trompé. Ils jouent ce vendredi en compagnie de Vidéotrauma à Menin. Ouais. Vidéotrauma n'a jamais passé. Ouais. Si, ah, merde. Pas là. Ils jouent à Menin, tu vois, Menin, c'est pas loin là, hein, tu vois. C'est juste à la frontière, mais de l'autre côté, au Boogie Woogie. Tu connais? Non, j'en suis fière. C'est sur la place, c'est sur le Grote Markt numéro 46. Après le fleuve, après le pont ou avant le pont? Ah bah non, c'est Menin après le pont, ouais, ouais. Donc après le pont, les francophones sont un peu moins bienvenus. Ouais, mais bon, si c'est pour le rock'n'roll. Ouais. Mais là, c'est flagrant. Hein. Écoute, on flagrera peut-être. En tout cas, les voici justement avec un titre en français. Donc, si ça tombe, ils vont se faire jeter des tomates pourries dans la gueule quand ils joueront au Boogie Woogie. Voici Hools avec Poids lourd. Hools Burst. Yeah. merci Hulz. Bah, on continue avec les gens qui vont jouer ce week-end, en début de week-end quoi. Maria Iscariot, encore un groupe gantois, cette fois-ci 100% de nana, ça oscille entre du gling-gling pop bien gentil et du punk rock plutôt bien balancé. Elle passe au Pits samedi à Carlos, Carlos avec un K, c'est du stoner, rien à voir avec Carlos Not Dead ou autre rigoladerie de ce genre-là. Non mais c'est pas la peine d'arriver dans le studio, là j'ai fini. Ah, la pression quoi. Mais non, justement, il n'y a pas de pression. Voici donc Maria Iscariot avec Liv Kleinkind, de gentil petit enfant ou mignon petit enfant, c'est ça ? On en reparle après. C'est bon ? Ouais, ou quelque chose. Enfin bref, du bras. Maintenant, je ne passerai plus que des trucs en russe et en serbo-croate. Allez vous faire foutre. D'accord. Maria Iscariot. Cutie little boy. Alors, je l'avais encore mal prononcé. Je sais pas. Tu verras. Okay. Je vais pas te louper après. Bien. Eh ben c'est tout. Il est 20h25 à l'antenne de Campus et vous écoutez Pyongyang City Rockers numéro 324 avec Gaël. Ouais. Et à 20h25, je vais vous passer un morceau qui est sorti la semaine dernière sur le réseau social à Façade Rouge. Un nouveau solo project de Mathéo Leprêtre. Ah. Pas très connu dans le milieu, mais il a quand même fait ça. Moi, j'en ai eu vent par le biais du frangin de BSM, Schmalik. J'ai échangé un peu avec lui pour en savoir un peu plus, et voilà ce qu'il m'a dit. Extrait. Bon, ça reste du délire, hein, toutes les musiques de mon cousin sont de mon cousin, et c'est pour rire qu'il a fait ça, avec ChatGPT et tout. Oh non. Ouille. C'est vrai. Il m'a proposé de faire deux musiques dessus. Du coup, il m'a fait les prods et moi, j'ai écrit et chanté les textes. Alors, le projet s'appelle Javel Urbaine. Ça vient de Rennes, avec un peu de BSM dedans, avec les deux featuring. Et dès que j'en sais un peu plus, ben, je vous en dis plus. Le morceau que Malik a choisi, c'est Ville Morte. Et ce n'est pas la reprise de Warrior Kids. I'm jamais sans être détecté. Aujourd'hui, comme hier, une zone nocturne nous embarque. Des chemins sans lumière, obscurité sans trouver rempart. Aujourd'hui, comme hier, sur le bitume on s'égare. Des traversées sans frontières, succédées par des cauchemars. Ville morte, endormie, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte. Sans un bruit, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte. Temps pourri, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte. Que d'ennui, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte. Passer à traîner, des rats qu'on voit partir en fumée, des alertes que t'es dans les croquets, des mots morts qu'on ne verra jamais. Aujourd'hui, comme hier, une zone nocturne nous embarque. Des chemins sans lumière, obscurité sur tous les remparts. Aujourd'hui, comme hier, sur le bitume on s'égare. Des traversées sans frontières, c'est qu'il y a des barres, des cauchemars. Ville morte, endormie, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte. Sans un bruit, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte, ville morte. Ville morte. Ouais, mais pour un premier effort, c'est pas mal. Et mais alors, on était en train de discuter en antenne de où est ChatGPT là-dedans. Peut-être dans les restes des paroles de l'album. Mmh. C'est que Malik a écrit ces deux morceaux-là, le reste a peut-être été écrit par ChatGPT. D'accord. On en aura plus quand on croisera, après, quand on croisera Malik. Ouais, et puis comme on dit, ouais, ça peut être utile ce genre de truc, mais si juste pour avoir une base de départ pour pas être angoissé par une feuille blanche devant soi. Ouais. ouais, non, je sais pas. Bon, sinon, ça fait un morceau sans parole. C'est pas mal, on appelle ça un instru. Un instrumental. C'est pas mal. C'est pas mal comme truc, c'est un concept, il faudrait le breveter. Ouais, c'est nouveau, ça. Ouais, il y a plusieurs morceaux de Oi comme ça, sans parole. Ah bon? Ouais, bah ouais. Ouais, j'en ai aucun qui me vient. Je pense que je peux te faire un album 8 à 10 titres pour la semaine prochaine, si tu veux. Ah, chouette. Ouais, que de la Oi. Ou tu pourrais pas faire une émission spéciale où je viens sur qu'avec des morceaux instru. Non, puis tu l'as pas sur Droogies aussi. Ouais, ça tiendra pas une heure, mais. Ça va être un peu chiant, non? Une heure sans parole. Enfin, bah, non, ça dépend. Bah, tu sais, mais des fois, même avec les paroles, c'est chiant. Oh oui, oh oui. Voilà. Et justement, t'avais des trucs à dire, toi? T'avais ouais, des trucs oui, à passer truc aussi à dire, ouais. Allez, bah ouais, vas-y. J'ai pas beaucoup bossé cette semaine. En fait, j'ai soif, si. Donc j'aimerais qu'on passe un titre de 4 minutes 3. D'accord, alors. Donc, moi, je vous présente aujourd'hui un groupe belge qui plonge ses racines plus précisément du côté de Courtrai et de Gand. On les a vus il n'y a pas très longtemps à la Brad Cave en première partie du concert de Homefront en novembre. Il s'agit du groupe VAG, V-A-A-G, et non VAC, comme je l'entends prononcer par la plupart des francophones, wallons ou français. Pas, ils ne disent pas VAC, ils disent vague. Vague. Vague. Parce qu'un VAC, c'est vague. Disons que la traduction, effectivement, c'est vague en français. Mais bon, ça ne se prononce pas vague, ça se dit VAG. Bah, c'est cool du bras. Ouais. D'ailleurs, jamais je n'oserais dire que les Français sont moyens en prononciation de la langue de Vondel. Ça serait bien médisant de ma part et sans aucun fondement, absolument. Voilà. Aucun fondement. Je vais voir le fondement. Voilà, voilà. Donc, les membres du groupe, le guitariste Mitch, le batteur Peter, le bassiste Simon et le chanteur Bram, sont tous issus de groupes divers tels que Essian, Hitch, Hammers, Super Genius, que personnellement je ne connais pas. Arrête de te foutre de moi, je te vois, tu sais. Groupe surtout. Groupe d'un genre sensiblement différent de ce qu'ils proposent aujourd'hui avec leur nouvelle formation. Ils viennent de sortir une cassette de 4 morceaux sur le label I Could Have Been Killer Tapes, un label belge, punk et hardcore, que personnellement je ne connaissais pas. Et cette cassette, elle n'est dispo qu'à leur concert, ou alors on peut la commander via email, un petit peu à l'ancienne quoi. C'est pas vendu sur Bandcamp, AliExpress ou ce genre de choses. Ils te l'envoient par mail, c'est ni pas mal ça, c'est technologie ni belge. Ni t'ému, Wish to Shine, non, ne cherchez pas. Les cassettes Wish, ah c'est oui, j'adore. Putain, ouais. Donc, ils définissent leur style comme étant du post-punk. Ils se revendiquent des Eagles. Et on va tout de suite juger ça sur pièce, car on écoute à présent le morceau Panic. Pas celui Eagles, là. Panic. Panic. Bah, panique, panique. Un morceau polonais. C'était vague. Var. Ah, voilà, il y a de l'idée là, Var. C'est bien. Long, parce qu'il y a deux A. Var. Bien, bravo. C'est limite sexy. Bon. on se souvient de leurs albums de reprise de Kyo et de Souchon, respectivement titrés Kyoï et Souchoï, avec les trémas. Ah, Souchoï. Ils se présentent ainsi. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel? On s'appelle Sensitive Skin, on vient de Saint-Ouen, on aime pratiquement tout, alors venez pas trop nous les briser. Merci. Bon, je suis pas sûr qu'ils viennent vraiment de Saint-Ouen, peut-être plutôt de Toulouse ou alors de Ankh-Morpork. Bon, enfin bref, peu importe. C'est produit par le label toulousain Taminata Records, qui nous a déjà donné des œuvres de Astafort Mods, et puis XOR ou encore l'inégalable Shubshatta. C'est qui faisait des reprises de Sex Pistols et des Ramones en... Ah, tu vois, voilà quoi. Avec du... avec la voix qui va bien. Je crois que c'est le truc qu'on a écouté cette semaine. Voilà. Le truc de Toulouse, là. Voilà. C'est donc Sensitive Skin sur leur album sorti récemment, Tolérance Zera. et voici donc Piskin Municipal. Des copines, où se trouve votre pote à la piscine? On n'est pas trop branché rivière, on n'est pas plus porté sur la mer. L'eau qu'on voit même pas à travers, c'est anxiogène, y'a rien à faire. Les algues, les mouches et les plantes flottantes, ça rend la baignade écœurante. La piscine municipale, c'est moins compliqué. Hey! On a tous pris un carnet, 30 tickets, hey! Et on est bien, et on est bien, à la bistroche chantre coquin. Et on est bien, et on est bien, du pédilu jusqu'au grand bain. Hey! Immédiatement, les vestiaires, tous sous la douche, rincés hyper fiers. Direction l'air de jeu aquatique, on s'adonne affectueusement à grand coup de frites. Mais quand arrive le maître nageur, c'est sauf qui peut au bassin extérieur. Sur les serviettes, toujours volontaires, pour s'étaler entre potes la crème solaire. Une main baladeuse, un doigt qui traîne, hey. Petit clin d'œil, y'a rien qui gêne, hey! Et on est bien, et on est bien, à la piste aux chantre copains. Et on est bien, du pédilu jusqu'au grand bain. Mais la piscine, ça me rend perplexe, ça me met face à mes complexes. Avec mon petit corps tout mal branlé, à côté de Thierry, vachement bien collé. Les shorts de bain non autorisés, c'est vraiment, vraiment abusé. Et ouais, c'est aussi ça, les copains, on se jauge la bosse sur le slip de bain. Je bronze sur le ventre, c'est plus sûr, ouais. Y'a bien qu'entre nous qu'on est des nus. Parfois ça craint, et ouais ça craint. À la piste d'un chantre coquin. Et on est bien, et on est bien, du pédilu jusqu'au grand bain. Et on est bien, et on est bien, à la piste d'un chantre coquin. Et on est bien, et on est bien, du pédilu jusqu'au grand bain. Alors, pastiche ou pas pastiche? Ah oui, j'espère. Question. En tout cas, nous, on a écouté à la maison et ouais. On a écouté jusqu'au bout. Ouais, ouais. Partagé. On était partagé entre se dire est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon. Il y a vraiment des très bons passages. Après, il y a des côtés un peu bien lourds. Mais si c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'œil, c'est vraiment bien fait. C'est pour ça que j'aime bien. Sale commentaire. Mais non, mais je pense, je pense que cet artiste n'est pas du tout skin. Et, qui fait d'autres trucs à côté et qui a voulu faire un délire skin. Non, mais... Et en tout cas, c'est bien fait si c'est quelqu'un qui s'y connaît pas dans le milieu. Tu regardes ce qu'ils produisent sur Taminata, là. T'as de tout et de n'importe quoi. T'as un mec qui fait des chansons traditionnelles occitanes en en black metal, tu sais, mais enfin, faut voir quoi, enfin, faut écouter ça, c'est des trucs. Ça donne envie. C'est le label What the Fuck du moment. Quoi. T'écoutes Secanto en black metal, bonjour quoi. C'est un truc. J'imagine même pas. Bah, t'écoutes Taminata Records sur Bandcamp. Bah, c'est là où on trouve Sensitive Skin. Ouais. Et Chapchata, c'est bien aussi. Hein. Ouais. On a déjà passé ici. Ça se peut, faut que j'écoute pour savoir. Si, ouais. Je vais le mettre à la fin peut-être. Ça va. Une reprise des Pistols, je sais plus que. Anarchy in the UK, je crois, tout bêtement. Bon, bah, si tu veux. Moi, j'ai une nouveauté du jour, mais de la semaine dernière encore. Belge. Oh. Alors, pas beaucoup d'infos pour l'instant, si ce n'est que le groupe qu'on va écouter s'appelle Dogmen, qu'il comporte en son sein des membres de Serre, de Cocaine Peace, de Slave Maker et de Brood in Belgium. Donc un groupe partagé entre Bruxelles, Liège et Tournai. Liège. Ils ont sorti un premier extrait donc la semaine dernière pour annoncer la sortie de leur cassette chez Dirty Slap Records, le label lillois. Bisous Cyril. Si vous voulez réécouter ce morceau, c'est sur le Bandcamp de ce même label, de Dirty Slap, que ça se passe. La cassette s'appellera Beaten by the Hand. Et le morceau que j'ai avec moi, Restricted, tout de suite, Dogmen, sur Radio Campus Lille, 106,6. Pyongyang City Rockers, numéro 324. Fucking dog, man! Ouais. Alors, est-ce qu'il parle, on l'a passé la semaine dernière, ouais, mais c'est tellement bon qu'on le repasse. Mais c'est bien, bien, bien, bien. Mais ouais, bien sûr, c'est Pyongyang City Rockers. On ne recule jamais devant aucun sacrifice pour faire plaisir à nos auditrices Zetter. T'as vu? Ils seront en week-end tour bientôt avec Veto et Night Vision, ouais, il me semble. Ouais, et puis ils vont passer au Pete. Ouais, pour leur premier concert. Ouais. Et ici aussi à Lille, je sais plus. Oh, c'est CERN. Ouais, ou le CERN, ouais. Ou ailleurs, c'est avec Night Vision et Veto. Yes, Night Vision. Youpi. Bon, pour l'instant, c'est pas Night Vision, c'est... Qu'est-ce que je voulais passer ? Ah bah voilà ! Kamikaze, KMKZ, les Polonais et Nez, que j'avais passé aussi presque un mois maintenant, et qu'on avait complètement écorché leur titre, bah, je vais en passer un deuxième. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous, ce demande. Tu peux repousser dans le micro. Voilà. C'est le Covid. Ceci a été offert par Pyongyang City Rockers. Qu'est-ce qui ne va... Ça va être compliqué. Pyongyang City Glare. Tu sais, des glaires. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous, se demande-t-il et elle. Ça parle du despotisme qui s'installe sournoisement, si insidieusement qu'on accepte tout et que même on y participe. Et là, je vous vise. Oh. Enfin, moi aussi. Hein. C'est Kamikaze avec Soznami Yastnietak sur leur album sorti en 2023. Mais je ne sais plus quand. Bref, les vlogs. Failli avoir une toux de gueule. Bah non, pour se venger. Je m'appelle pas Stéphane. Je vous interdis, mon ami. Bah non, je vais rester en Pologne parce que moi aussi j'ai un groupe polonais qui vient de la Venise polonaise. Liz Pali. Alors, Liz y est pas lié, un truc comme ça, on sait pas trop. Ouais. Ouais. Alors, ça, on parle de la prononciation du néerlandais, mais alors là, le polonais. La prononciation du polonais, ah, mais j'ai même pas, moi, je sais pas. Nie ma pieniądze, j'ai pas de sous. Alors, c'est quoi la Venise polonaise ? Wrocław. Breslau. Wrocław. Non, mais moi, je le dis en allemand aussi, parce qu'avant, c'était une ville allemande. Le groupe, il existe depuis 2014. Ils ont sorti deux albums, un en 2017 au format CDR, tu vois, le truc que tu gravais avec ton disque. Puis un second, plus récemment, en 2021. Cet album s'appelle Eya Skinhead. Eya Skinhead, ouais, ouais. Et c'est ce même titre que j'ai choisi de vous faire écouter. Tout est sorti en autoprod. C'est écoutable sur le Bandcamp du groupe. Ça s'écrit LYSEPALY. Mais avec des L barrés. T'sais. Enfin voilà, démerde-te. Et Eya Skinhead dans ton PCR. Oi, oi, oi. Go, go, go! ciemnej bramy. Bo może mieć pecha, a wtedy zajebany. Wiesz mi tam zobaczyć, to pełne sykości. Czepi wypierdalę lub miej się na baczności. Bo może to ten cymbał. Bo może to ten cymbał. Bo może to ten cymbał. Campuslille.com, émission Pyongyang City Rockers 324. Ouais. Allez, je vais continuer encore avec un nouveau groupe colombien qui va sortir un 5 titres sur Common People Records. Le groupe s'appelle Rival et vient de Manizales, une ville au sud de Medellín. Leurs influences sont flagrantes, un mélange de punk anglais, de punkoy à la française. J'irais même jusqu'à dire à la squelette. Le tout chanté en espagnol. Le morceau, c'est Automarginación. Automarginación. Le groupe, je le rappelle, c'est Rival. Rival. Non, je t'ai plus. Et les quatre autres morceaux sont dispo sur YouTube. Oi. Oi. Aïe. Bah, je sais pas, il démarre ou quoi. Thank you. Ah si, Jimmy Cliff, elle aime bien. dessus, elle aime pas. Ils sont bizarres, ces gens. Tingling, il dit tingling des fois. Ouais. C'est un morceau qui ouvre une de nos playlists à la maison. Bien, bravo. Alors on s'est dit qu'on se repasse à jour. C'est pas ce que j'écoute le plus, Jimmy Cliff, mais il y a quelques bons morceaux quand même. Ouais, des fois, il est devenu très commercial à un certain moment. Là, et ouais. Encore plus commercial que Bob, donc voilà quoi pour dire. Il est 20h51 minutes et 30 secondes, on a encore plein de temps pour causer de conneries. Mais on pourrait quand même laisser Jimmy causer. Ouais, ouais. Voilà. Cause, Jimmy cause. D'ici là, on se dit la semaine prochaine. On appuie sur le champignon. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'invité. On ne sait pas encore quel animateur sera là. Il y aura très certainement PCR. Et si ce n'est pas le cas, ce sera la semaine d'après. Voilà. Bravo. Et puis, on n'oublie pas. ACAB. Oui, tout à fait. Oui. Hey, baby, don't go away. Won't you listen when I have to?